بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نحن وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الأصل الثالث من أصول منهج النبوة كما نص على ذلك المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى الأصل الثالث سماه المؤلف الحذر من البدع والمبتدعين. Nous sommes arrivés, mes frères, au troisième fondement parmi les trois fondements de la voie prophétique qui ont été cités et nommés par l'auteur de ce livre. Et ce troisième fondement, l'auteur l'a appelé ou l'a nommé la mise en garde et la méfiance que l'on doit observer contre les innovations et contre les innovateurs. Les innovations et les innovateurs. D'ailleurs. وعلى صدارة هذا الباب يقول المؤلف أو ذكر حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم prenez garde à toute chose nouvelle car elle constitue un égarement. Celui qui vivra ceci, qu'il s'attache à ma voix et à la voix des califes bien guidés, mordez-y à pleines dents. Non. Prenez garde à toute chose nouvelle, bien sûr, toute chose nouvelle dans la religion. Non. Les choses nouvelles concernant la vie mondaine, elles sont permises dès lors qu'elles ne sont pas en contradiction avec la loi d'Allah. Non. Les innovations, les découvertes, etc., technologiques et autres. Amma, toute innovation dans la religion est strictement interdite. يقول المؤلف الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل السنة. Attends, je pense que c'est quelque chose qui est clair pour vous. Il dit la réfutation sur le contrevenant ou le contradicteur et la mise en garde contre les gens de l'innovation est un des fondements des gens de la sunna. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية nous rapporte donc في مجموعة الفتاوى il dit comme les têtes de l'innovation qui profèrent des propos contraires au livre et à la sunna, ou ceux qui s'adonnent à des actes d'adoration contraires au livre et à la sunna. Les uns et les autres font partie des gens de l'innovation religieuse. Non. Donc il dit, l'éclaircissement quant à leur état et la mise en garde de la communauté contre eux est obligatoire, et ceci à l'unanimité des musulmans. Hada mahall ittifaq bayn al muslimin. Naam, ça fait l'objet d'un consensus chez les croyants, comme l'a cité Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Jusqu'à ce qu'on demande à l'imam Ahmad ibn Hanbal, on lui demanda, la personne qui jeûne, qui prie et accomplit la retraite spirituelle, l'i'tikaf, est-il préférable à tes yeux à celui qui dénonce les gens de l'innovation? Il répondit, l'imam Ahmad, dès lors qu'il jeûne, qu'il prie et qu'il se retire spirituellement, ceci est pour le compte de sa propre personne. Quant à celui qui dénonce les gens de l'innovation, il le fait dans l'intérêt des musulmans. Ce dernier est préférable. Vous avez compris, frère? C'est une parole importante que vous devez avoir en tête, Inch'Allah. Thumma yaqulu Cheikh l'Islam, ala min khilali kalamihi, fa bayyana, wa yu'alliqu al-an ala kalam al-imam Ahmad. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين كما قلنا ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. Écoutez ce qu'il dit. Il commente les propos de l'imam Ahmed, qui a été questionné juste avant. Il dit, il a mis en valeur le fait que ceci est dans l'intérêt commun des musulmans, c'est-à-dire la mise en garde contre l'innovation et les gens de l'innovation. Il a mis en valeur le fait que ceci est dans l'intérêt commun des musulmans concernant leur religion, au même titre que le djihad dans le sentier d'Allah. Car la purification du sentier d'Allah, de sa religion, de son menhaj, de sa législation, ainsi que le refoulement de la transgression de ceci et de leur animosité sur leurs principes, est une obligation. Al-Kifaya. Donc ici, c'est très dur à traduire ça. Une obligation, c'est-à-dire que si un groupe de musulmans de la communauté s'en charge, les autres en sont dispensés. Donc ce qui est considéré ici par Allah, c'est que l'acte il doit être fait. Que ce soit par une personne, par un groupe de personnes, tant que l'acte il est fait, on enlève ou on retire le péché sur l'ensemble des musulmans. D'accord? Donc il dit que ceci est une obligation qui incombe à une partie des musulmans, si Allah, et ceci à l'unanimité des musulmans. Si Allah n'avait pas suscité celui qui refoule le préjudice de ces gens-là, la religion serait corrompue et pervertie. Naam, les frères, son préjudice est plus grand que la domination de l'ennemi sur le musulman dans la guerre. Car ces derniers ne corrompent les cœurs et ceux qui se rapprochent de la religion que sous la contrainte, alors que cela, les gens de l'innovation corrompent les cœurs à la base. Naam, les frères, quand un ennemi prend possession d'un pays, al-adou al-kafir, le mécréant, quand il prend possession d'un état musulman ou d'une terre musulmane, les gens, les musulmans, ils vont suivre les lois de ce gouverneur, mais sans conviction. Ils vont le faire parce qu'ils sont contraints de le faire. Taba'an. Par contre, le mubtadi' ou l'innovateur, lorsqu'il va venir vers toi et t'insuffler toutes sortes de choses et de mauvaises conceptions, d'ambiguïté religieuse, ton cœur va être touché et tu vas appliquer ces choses-là par conviction. Naam ibtida'an. Voilà la dangerosité, mes frères, et voilà le sens du propos de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit « Le préjudice des gens d'innovation est plus important que celui du kafir qui rentre et qui vient combattre un état musulman et prendre et avoir la domination et prendre possession de ce pays. » Non, vous avez compris? وقال في المعنى ذاته مبينا اهم شرط في الرد على المخالفين اذا كان رجل مبتدعا يدعو الى عقائد تخالف الكتاب والسنه ويخاف ان يضل الناس بذلك بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على غرياسة، فيتكلم بمساويه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، هذا من عمل الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. Il dit aussi dans le même sens, cher Al-Islam Ibn Taymiyyah, en expliquant la plus grande condition à respecter concernant la réfutation sur le contradicteur. Car ce qui est voulu, mes frères, bien sûr, c'est de préserver la umma. Mais celui qui va faire la réfutation, il y a des conditions qu'il doit respecter aussi. Comme on va l'expliquer Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, si un innovateur appelle à des dogmes et croyances contraires au livre et à la sunna, et qu'on craigne que les gens s'égarent par ceci, il se doit, c'est-à-dire le savant ou la personne qui va faire la réfutation, d'éclaircir sa situation aux gens afin qu'ils se préservent de son égarement et qu'ils connaissent son état. C'est clair. Tout ceci doit être à titre de conseil, à la bab al-nasiha, recherchant par ceci la face d'Allah, al-ikhlas, non pas relevant de sentiments personnels envers la personne, comme serait le fait qu'il y a entre eux deux, une animosité personnelle relevant d'une chose mondaine. Naam. Par exemple, une personne va réfuter sur un mubtadi', mais il ne le fait pas pour la face d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour l'intérêt des musulmans, mais il le fait juste pour le rabaisser. Entre eux deux, il y a un conflit personnel, ce qu'on appelle hawa al-nafs, awa al-tanazu'. Donc la personne qui fait la réfutation, elle doit être dans une condition optimum si on peut dire, c'est-à-dire mukhlis lillah tabaraka wa ta'ala, sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala, et recherchant aussi l'intérêt des musulmans, que les musulmans soient préservés du mal de cette personne. Donc, comme serait le fait qu'il y ait entre eux deux, une animosité relevant d'une chose mondaine, de jalousie, de haine, ou que le pouvoir soit un objet de conflit ou de dispute entre eux. Hein? Comme ça peut être le cas et comme c'est déjà arrivé. Il évoquerait ouvertement ses défauts sous couvert du bon conseil, alors que son attention au plus profond de lui-même est de le rabaisser aux yeux des gens, sans lui laisser le moyen de réfuter et de se défendre. C'est-à-dire qu'il va le rabaisser à tous les niveaux. Ce qu'on appelle l'istifa. Istifa, c'est-à-dire que c'est donner quelque chose ou prendre quelque chose, mais de façon complète. Sans rien laisser derrière. Vous avez compris? Donc il va le rabaisser et il va le laisser comme quelqu'un qui est vide et sans argument à faire valoir pour se défendre. Et ceci est un acte de shaitan. وقال أبو عثمان الصابوني كلاما ذكرناه في أيام ماضية يقول في بيان علامات أهل السنة، فهذا في آخر كتابه كأنه في خاتمة الكتاب. نعم. Donc ce propos-là de l'imam الصابوني, lorsque vous venez vers son livre, il le cite pratiquement à la fin de son livre, comme si c'était une conclusion. نعم. Il dit, en parlant des gens du livre, en parlant des gens de la sunna et des signes distinctifs qui les caractérisent. وَيُبْرِدُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ الَّذِينَ أَحْدَثُوا فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْ وَلَا يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يَصْحَبُونَهُمْ وَلَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُمْ وَلَا يُجَالِسُونَهُمْ وَلَا يُجَادِلُونَهُمْ فِي الدِّينِ وَلَا يُنَاذِرُونَهُمْ وَيَرَوْنَ صَوْنَ آذَانِهِمْ عَنْ سَمَاعِ أَبَاطِيلِهِمْ الَّتِي إِذَا مَغْرَتْ بِالْآذَانِ وقغرت في القلوب ضغرت وجغرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جغرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سورة الأنعام. Donc je vais déjà vous traduire ceci. L'imam Sabouni dit, parlant des gens de la sunna, il déteste les gens de l'innovation. Ceux-là même qui ont innové et inventé dans la religion des choses ne faisant pas partie d'elle. Ils ne les aiment pas, ne les côtoient pas, n'écoutent pas leurs propos, ne s'assoient pas avec eux, ne polémiquent pas avec eux sur la religion. Ils préservent leurs oreilles de leurs mensonges. Ceux-là même qui dès lors en parlant de ces mensonges. Ceux-là même qui, dès lors qu'ils traversent les oreilles, s'incrustent dans les cœurs, nuisent et occasionnent ce qu'ils occasionnent, comme insinuation et mauvaise pensée. Sur ceci, Allah révéla, quand tu verras ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. On avait déjà expliqué cette parole, on avait déjà cité l'explication de ce verset, en citant notamment la parole de l'imam al-Shawkani et la parole de l'imam al-Qurtubi. Rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala. Il dit un peu plus loin, al-Alif. Donc c'est la page, c'est juste un peu en dessous. « وَشِعَارُ أَهْلِ السُنَّةِ اِتِّبَاعُهُمْ لِلسَّلَفِ الصَّارِحِ وَتَرْكُهُمْ كُلَّ مَا هُوَ مُبْتَدَعٌ مُحْدَثٌ » Le mot d'ordre des gens de la sunna, c'est deux points, leur suivi des pieux prédécesseurs et le délaissement de tout ce qui est innové et inventé dans la religion. En bas de la page 301, l'imam Qawam al-Sunna al-Asbahani dit وَتَرْكُ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَمُعَاشَرَتِهِمْ سُنَّةٌ لِأَلَّا تَعْلَقَ بِكُلُوبِ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُ بِدْعَتِهِمْ وَحَتَّى يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْبِدْعَةِ وَلِأَلَّا تَكُونَ مُجَالَسَتُهُمْ ذَرِيعَةً إِلَى ظُهُورِ بِدْعَتِهِمْ Il dit, قَوَمُ السُنَّةِ أَسْبَهَانِ Le délaissement des assises des gens de l'innovation et leur côtoiement est une voie à suivre. Afin que les cœurs des faibles parmi les musulmans ne s'accrochent à certaines de leurs innovations, et ceci, afin que les gens sachent que ce sont des gens de l'innovation, et afin que l'assise avec eux ne soit pas un moyen par lequel leur innovation se propage ouvertement. وَكَانَ السَّلَفُ يُحَذِّرُونَ مِنْ مُجَالَسَةِ أَصْحَابِ الْبِدَعِ لَا تُجَالِسْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَإِنَّهُ يُمْرَضُ قَلْبَكَ لأن البدعة من أخطر الأشياء على دين الله ولأن المبتدعين لا يقبل منهم صرف ولا عدل هؤلاء لا يتوب الله عليهم كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته الله المستعان Les salafs mettaient en garde contre les assises des gens de l'innovation. Ne t'assois pas avec un innovateur, car il rendra ton cœur malade. Car l'innovation constitue un des plus grands dangers pour la religion d'Allah. On n'accepte de l'innovateur ni repentir, ni compensation. Nam la yuqbalu min al-mubtadi' sarfun wa la adlun. Sarfun wa la adlun. Ça veut dire sarfun la tauba wa la adlun wa la fidya. Ni repentir, ni compensation. Il ne pourra pas se racheter par un repentir, il ne pourra pas se racheter par une compensation, yawm al-qiyama ou dans cette dunya. Sarfun wa la adlun, ça veut dire aussi la yuqbalu minhu faridatun wa la nafila. Aw al-aqs. Donc il y a trois paroles chez les savants. Comme l'a rapporté Ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari, il dit que La sarfun wala la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Pourquoi je mets l'accent sur le sens de ce terme-là? Car c'est un hadith du prophète. C'est une parole prophétique à la base. Naam. Où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man awa muhdithan fil madina. Naam. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Celui qui accueille ou qui héberge un innovateur à Médine, dans la ville de Médine, celui-là, on acceptera de lui ni sarf wala adl. Donc le premier avis chez les savants, et c'est qawl jumhur, c'est que on n'acceptera de lui ni tauba, Allah n'acceptera de lui ni repentir, ni compensation. Deuxième avis, on n'acceptera de lui ni acte obligatoire, ni acte surrogatoire. Et il était rapporté de Hassan al-Basri qui a dit, c'est le contraire, on n'acceptera de lui ni acte surrogatoire, ni acte obligatoire. Et Ibn Hajar al-Asqalani dit quoi? Il dit, ces trois propos ne se contredisent pas en eux-mêmes, ils sont tous acceptables. Walakin, le sens de la plupart des savants, c'est le premier. D'accord ? On n'acceptera de lui ni tauba, ni repentir, ni compensation, fidya. Allah n'accepte de leur repentir comme spécifié dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah a dit, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah a voilé le repentir à tout innovateur, jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Certains savants ont expliqué ceci par le fait que, de par le fait que l'innovateur est persuadé et convaincu qu'il est dans la guidée et sur une voie droite, il ne lui vient même pas à l'esprit de pouvoir se repentir à Allah. C'est en ceci qu'il est voilé. Non ? Qu'Allah nous en préserve. يقول الشيخ الأسلام المبتدع يعتقد أنه على الصواب وعلى الحق ويعتقد أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى وهو يحارب لأن البدعة استدراك على الشرع كأن المبتدع يقول بلسان حاله إن الدين ناقص وأنا أكمله فالبدعة من أسوأ ما يكون نسأل الله ينفوتسي كوريجي نسأل الله أن يعافينا أجمعين. آمين. Donc, l'innovateur est persuadé qu'il est sur la vérité et qu'il sert la religion d'Allah le Très-Haut, alors qu'en fait il la combat, car l'innovation est une rectification sur la législation. Istidrakun ala shara. C'est comme si l'innovateur disait, de par son comportement, la religion est déficiente et moi je viens la compléter. Non ? Ce qu'on appelle yatakallamu bilisani halihi, même s'il ne le dit pas avec sa langue, mais ses actes le disent à sa place. Non ? Ou à la place de sa langue. L'innovation est une des choses les plus néfastes. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve tous. Écoutez bien mes frères ici. يقول الإمام الصابوني donc c'est la page 303 en haut de la page 303 inchallah. وقال الإمام الصابوني ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. الإمام الصابوني qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Que nos frères ou que mes frères, qu'Allah les préserve, ne soient pas trompés par la profusion des gens de l'innovation et leur grand nombre. Car le grand nombre des gens de l'innovation et la rareté ou la pénurie des gens de la vérité est un des signes de l'approche du jour de la vérité. Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de l'heure est que la science se rarifiera et l'ignorance se proliférera. La science, c'est la sunna et l'ignorance, c'est l'innovation. Non, mes frères. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. Hadith authentique, rapporté par le Bukhari ou un muslim. Le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, la foi se réfugie à Médine, et se réunit, se rassemble à Médine, comme le serpent se réfugie dans son trou, ou dans son repère. L'imam Ibn Abi Zamanin, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, yaqul, وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ السُّنَّةِ يَعِيبُونَ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ مُجَالَسَتِهِمْ ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. الإمام ابن أبي زمانين أدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. Les gens de la sunna n'ont cessé de critiquer les gens de la passion égarée ou les gens des passions égarées et d'interdire leurs assises et mettent en garde contre leurs tentations et informe de leurs caractéristiques, ne considérant pas tout ceci comme de la médisance ou du dénigrement. Mesdames, les frères, beaucoup de personnes ont cette ambiguïté en disant, ceux qui critiquent les égarés, les innovateurs, ils font en fait de la médisance. Et ils nous disent par la suite que la médisance est strictement interdite en islam. كلمة حق أريد بها باطل. Donc c'est une parole de vérité, la médisance est strictement interdite. Mais elle est légiférée, conseillée et même des fois obligatoire dans certains cas. D'accord ? Comme c'est le cas ici. Donc, il fait partie des fondements de la sunna, mes frères, que la mise en garde contre les gens de la sunna, contre les gens de la passion, les gens de l'innovation religieuse n'est pas une médisance. Mais au contraire, comme le disent les savants, et même les savants de notre époque, Cheikh Abed al-Jabri, Cheikh Saleh Suhaimi, ils disent la mise en garde contre les gens de l'innovation, c'est un acte de dévotion par lequel tu te rapproches d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Non, mes frères? Donc, on est à l'opposé de ce que disent ces gens-là. Donc, ne soyez pas trompés par ceci, Inch'Allah. Regardez ce que dit l'imam Ibn Abi Zamanin, qui a vécu au 4e siècle de l'Égypte, en Andalousie et aussi en Afrique du Nord. Sufyan al-Thawri, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, يقول من أصغى celui qui tend l'oreille من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدعة. Donc il dit celui qui tend l'oreille au propos de l'innovateur sortira de la protection d'Allah et sera livré à elle, c'est-à-dire à l'innovation. Naam, rapporté par Al-Barbahari dans Sharh al-Sunna et Abu Nu'aym fi حلية الأولياء وابن بطة في الإبانة الكبرى واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمة الله تبارك وتعالى عليه لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. فضيل بن عياض دي رحمة الله تبارك وتعالى عليه ne t'assois pas avec les gens de l'innovation car je crains que la malédiction d'Allah tombe sur toi. Naam, les frères, Fudayl ibn Iyad min atba' al-tabi'in. Il dit aussi, yaqulu kadhalik, man ahabba sahib bid'ah, ahbata Allah 'amalah wa akhraja nur al-islam min qalbihi. Celui qui aime un innovateur, il faut bien comprendre ici celui qui aime man ahabba mahabbatan shar'iyyah pour sa religion. On parle pas ici de l'amour filiale, par exemple entre un père et son fils, un homme et sa mère par exemple, on parle pas de ça, on parle de l'amour religieux. Celui qui aime un innovateur, Allah lui annulera ses actes et sortira de son cœur la lumière de l'islam. Il dit aussi يقول كذلك من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في صحة الله حتى يرجع. Il dit celui qui vante ou qui glorifie un innovateur a certes participé à la destruction de l'islam. Celui qui sourit au visage d'un innovateur a certes dédaigné ce qu'Allah a descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui marie sa fille à un innovateur a certes rompu les liens de parenté avec elle. Et celui qui suit un cortège funéraire d'un innovateur ne cessera d'être sous la colère d'Allah jusqu'à ce qu'il en revienne. Les paroles de Fudayl ibn Iyad, elles sont justes, elles sont vraies, naam, mais elles doivent être recadrées dans un contexte. D'accord, les frères? Ne prenez pas comme ça ces paroles brutes comme ça et vous allez bitrailler tout le monde dehors. D'accord, les frères? Oui, mais le prophète, il a fait preuve aussi sur certaines choses de douceur. Comme on va le voir, Inch'Allah. يقول شيخ الإسلام حفظه الله تبارك وتعالى هذه الآثار وغيرها كثير عن سلف هذه الأمة مبثوثة في بطون الكتب وكلها تنبئ عن موقف السلف الصالح القوي الذي لا مداهنة فيه ولا مصالحة فيه مع أهل البدع والأهواء. Il dit ses propos et autres sont très nombreux chez les salafs, de cette communauté et sont éparpillés dans les livres. Vous les retrouvez disséminés et éparpillés dans les livres. Chacun d'entre eux nous montre la position ferme des salafs qui ne comporte aucun compromis et aucune négociation avec les gens de l'innovation et de la passion. بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغتغرون بالزهد الرجل أو بحسن ألفاظه أو بتتبع لآثار أهل العلم أو بكثرة وعظه للناس أو بغير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية وكيف يغتغرون وعندهم الفرقان الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم وبين للصحابة أنهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وهذا الإخبار جاء في سياق التحذير منهم والذم لهم وعدم الاغترار باجتهادهم. Les pieux prédécesseurs ne sont pas trompés par l'ascétisme d'une personne, ou son éloquence, ou pour sa recherche des traces des gens de science, ou pour la profusion de ses exhortations aux gens, ou autres, dès lors qu'ils ne cheminent pas sur la sunna prophétique et la voie salafi. Larmes du frère. Comment peuvent-ils être trompés alors qu'ils ont le discernement par lequel est venu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a certes informé les compagnons sur les khawarij et l'ampleur de leur adoration et de leur ascétisme. Il a éclairci aux compagnons qu'ils dénigreront leurs prières à la leur, leurs jeûnes aux leurs. Ces informations sont venues dans un contexte de mise en garde contre eux, de réprobation et de non-duperie quant à leurs efforts religieux. C'est ce qu'on avait vu, mes frères, lorsque Ibn Abbas est parti voir le khawarij pour s'entretenir avec eux afin de les ramener à l'ordre ou de les ramener à la raison. C'était des gens qui étaient ascètes, plongés dans l'ascétisme. De telle sorte que la journée, ils jeûnaient et la nuit, ils le passaient en prière. Est-ce que les sahabas ont été trompés par ceci? Non. Ce n'est pas le critère principal de jugement par lequel on détermine si la personne est sur la vérité ou non. Principal critère de jugement est de savoir est-ce que ses actes, sa parole, ses paroles, sa croyance sont en conformité avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce que dit ici Cheikh al-Islam. Il dit les pieux prédécesseurs ne sont pas trompés par l'éloquence d'une personne, son ascétisme, le fait qu'il s'attache à suivre les traces des savants ou alors qu'il fait beaucoup d'exhortations. Ça, ce n'est pas un critère de jugement, mes frères. Les plus grands innovateurs ont fait ceci. Wasir ibn Atta, comme on l'avait déjà rapporté, était une personne très éloquente. Naam, les frères. Voilà qui c'est un Mu'tazili. Al-Madhhab al-Irtizal, al-Khawarij, malgré leur jeûne constant et leur prière de la nuit qu'ils faisaient à chaque fois, et le jihad fi sabilillah, et le délaissement des péchés, malgré tout ceci, ils étaient dans l'erreur. Est-ce que leur ascétisme, leur prière les sauvera de leur égarement? Non. Le prophète a mis en garde contre eux et il a même dit ce sont les chiens de l'enfer. Naam. Et si je devrais les combattre, je les combattrai comme fut combattu le peuple de Had. C'est-à-dire durement, avec fermeté. Naam. Et regardez ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous dénigrerez votre prière par rapport à la leur. Tellement ils étaient des grands adorateurs. Ubad. Donc il a bien montré ceci à titre de mise en garde. Comme dit Cheikh al-Islam. Le fait qu'il a cité ici ces choses-là, c'est-à-dire le fait qu'ils prieront beaucoup, ils jeûneront beaucoup, ce n'est pas pour citer leurs qualités, non, et pour équilibrer les balances, mais c'est pour avertir et pour mettre en garde les croyants de ne pas être trompés par ce genre de choses, non, de ne pas être dupés par ce genre de choses. La page 305, وقاتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقاتلهم وأظهره الله تعالى عليهم ولم يخدع ولا أحد من الصحابة بحالهم ولا بحال غيرهم من أهل البدع. Ali les combattit et les tua et Allah lui donna le dessus sur eux et ni lui, ni aucun des compagnons ne furent trompés par leur état, ni par l'état des gens de l'innovation d'une manière générale. Hein, mes frères? Comme ce fut le cas de Ibn Omar, lorsque ces deux personnes sont venues à lui, Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, lorsqu'ils sont venus voir Ibn Omar, ils lui ont dit, il y a des gens al-Basra qui recherchent la science, et taqaffaroun al-ilm. Walakin, ils disent, la qadar wal-amru unuf. Ils disent, il n'y a pas de destin. Wal-amru unuf, c'est-à-dire les choses, elles sont nouvelles. Elles n'ont pas été précédées par le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc c'est une parole innovée. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Omar, radiallahu tabaraka wa ta'ala? Il a dit, si tu les vois, sache que Ibn Omar est innocent d'eux, et eux sont innocents de moi. C'est-à-dire, il y a une scission claire et nette entre moi et eux. Hein? Ils sont sur une religion, je suis sur une autre religion. Les sahaba, ils ne sont pas trompés. Bien qu'ils yatakaffaroun al-ilma, ils recherchent la science, ils sont dans les assises de science. Peut-être ce sont des gens ascètes. Mais Ibn Omar n'a même pas considéré ceci. Il a juste considéré le propos ambigu qu'ils ont propagé. Non? Comme quoi, il n'y a pas de destin et toute chose est nouvelle. Non? Il s'est innocenté et il a mis en garde contre ceci. Non. Écoutez bien mes frères ceci. Zakar al-Qadi Abu Ya'la. في طبقات الحنابلة في ترجمة علي بن أبي خالد قال نقل عن إمامنا يعني الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أشياء منها قلت لأحمد إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه هو حارث القصير يعني حارثنا المحاسبي أو المحاسب وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه القاضي أبو يعلى السيتي dans son livre الطبقات الحنابلة طبقات الحنابلة c'est un recueil qui, en fait, retrace toutes les biographies ou tous les propos des gens du madhhab de l'imam Ahmed, al-Hanabila. Ça veut dire littéralement les générations de Hanabila, tabaqat al-Hanabila. Il y a aussi tabaqat al-Shafi'iyya. Non, ça existe aussi. Donc, al-Qadi Abu Ya'la, il rapporte dans son livre tabaqat al-Hanabila concernant la biographie de Ali ibn Abi Khalid, qui a dit, Abu Ya'la a dit, Ali ibn Abi Khalid a rapporté de l'imam Ahmed beaucoup de choses. Parmi les choses qu'il a rapporté de l'imam Ahmed, il y a ceci. J'ai dit à Ahmed ibn Hanbal, ce shir, il parlait d'un homme qui était avec lui, un vieux qui était avec lui, et mon voisin. Je lui ai interdit la fréquentation d'un homme et il souhaite entendre sur lui, il souhaite t'entendre sur lui, Afwan. Il veut savoir qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu dis sur l'homme qu'il souhaite fréquenter ou qu'il veut fréquenter. Qui est Harith al-Qasir ou Harith al-Muhasibi, qui est un homme qui s'est égaré, mais qui a causé beaucoup de mal. Ali ibn Abi Khalid a dit, et certes, en parlant à l'imam Ahmed, il dit, tu m'avais certes vu avec lui pendant plusieurs années et tu m'avais dit, ne t'assois pas avec lui et ne parle pas et ne lui parle pas. Et je ne lui ai pas parlé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, j'ai suivi ton conseil. Mais ce shir, qui est mon voisin, s'assoit avec lui. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? فَرَأَيْتُ أَحْمَدَ قَدْ حْمَغْرَ لَوْنُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ وَعَيْنَاهُ وَمَا رَأَيْتُهُ هَكَذَا قَدْتُ ثُمَّ جَعَلَ يَنْتَفِدُ وَيَقُولُ ذَاكْ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلُ ليس يعرف ذاك إلا من خبر وعرفه أو وي يعني يتأفف ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه ذاك جالسه المغازري ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه Il dit cette personne-là, Ali ibn Abi Khalid, j'ai vu que l'imam Ahmed devint tout rouge. Il est devenu tout rouge. Ses tempes gonflèrent ainsi que ses yeux. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Puis, il s'est mis à frémir et à dire, celui-là, en parlant de Haris al-Muhasibi. Il ne l'a même pas cité par son nom. Naam les frères? Il ne l'a même pas cité par sa kunya ou par son nom. Il a dit, Hazak. Qui est dur? Ou alors c'est ces gens-là qui font preuve de laxisme. Notre référence, mes frères, c'est les gens de la sunna. Mais salafina salih. C'est pas les do'at de notre époque qui essayent de nous jeter des ambiguïtés. Notre référence, c'est l'imam Ahmed, entre autres. Il a dit Zaka. Là, à la babi ta'ni, wa zammi. Celui-là, Allah a agi envers lui et il a agi. Nul ne connaît celui-là, si ce n'est celui qui l'a bien connu et qui l'a fréquenté. Awai, awai, ça veut dire, c'est une plainte, c'est comme s'il est en train de se plaindre. Celui-là, nul ne le connaît si ce n'est celui qui est bien informé sur lui. Celui-là s'est assis à ses assises, Al-Murazili, wa Yaqub et autres. Et il les a tous emmenés à la croyance de Jabir ibn Safwan. Et ils sont péris à cause de lui. Non, les frères, le danger de s'asseoir avec Al-Bidar. Alors que Al-Haris al-Muhasibi, c'était un wa'az, c'était un grand exhortateur. Fit tarhib wa tarhib. Il avait des qualités. Voilà que le mal qu'il a causé, mes frères, il est préjudiciable. Il est prédominant sur le bien qu'il a. Regardez comment l'imam Ahmed, il a été dur envers lui. Thumma. Faqala lahu shaykh. Donc ce vieux-là, faqala lahu shaykh, ya Aba Abdillah, yarwi al-hadith, sakin, khashi' min qissatihi wa min qissatihi. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره لا تكلمه ولا كرامة له كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعم عين وجعل يقول ذاك ذاك. Le cheikh lui a dit, Ya Aba Abdillah, qui est la kunya de l'imam Ahmed, il rapporte le hadith, il est posé, il est concentré et dévot. Parmi ses récits, on raconte ceci et ceci et ceci. Abu Abdillah se mit en colère, l'imam Ahmed se mit en colère et se mit à lui dire que sa dévotion et que sa douceur ne te trompent pas. Que sa dévotion et que sa douceur ne te trompent pas. Et il dit, ne sois pas trompé par l'inclinaison de sa tête. Ne sois pas trompé par l'inclinaison de sa tête. C'est un homme mauvais. Nul ne le connaît sauf celui qui l'a fréquenté et qui le connaît bien et qui est informé de son état. Ne lui parle pas aucune estime envers lui. Ne t'assirais-tu avec tout innovateur relatant et rapportant les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que toute personne innovateur rapportant les hadiths du prophète est-il légitime de s'asseoir avec eux par le simple fait qu'il rapporte les hadiths du prophète? Non, aucune estime envers lui et aucune faveur. Et il se mit à répéter, celui-là, celui-là. Non. Est-ce que c'est une dureté qui est légitime, mes frères? As-salukum billah. Est-ce que c'est une dureté qui est légitime au regard des textes religieux? Ou alors c'est nous qui jugeons avec nos passions? Imam Ahli Sunnati wal Jama'a, Imam Ahmed, Rahmatullahi Tabaraka wa Ta'ala. Et après, ces personnes-là viennent nous dire qu'on fait du ta'assub chez l'imam Ahmed et qu'on le prend comme un prophète. Imam Ahmed laqiya bil qaboul fil ard. Il a reçu l'acceptation des gens de science sur terre. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on évoque son nom, on dit Rahmatullahi Tabaraka wa Ta'ala alayhi. Et il est appelé imam ou ahli sunnati wal jama'a. Il n'y a personne d'autre qui a ce qualificatif. Qui c'est qui lui a donné ce qualificatif? C'est les savants de son époque. Et c'est ceux qui ont suivi les gens de la sunna qui ont reconnu ceci en lui. Non, les frères? Donc, laisse parler ceux qui disent que on est trop dur, etc. Non? يقول الإمام البربهاري سين بارول تريز امبورطون لي فرير يقول الإمام البربهاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه واعلم رحمك الله تعالى أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la science ne se détermine pas par les nombreuses narrations et les livres que tu as emmagasinés. Mais le savant est celui qui suit la science et les traditions authentiques, même s'il possède peu de science et peu de livres dans son bagage scientifique. Celui qui contredit le livre et la sunna est un innovateur, même s'il connaît beaucoup de choses et connaît de nombreux livres. D'accord ? Donc le alim, mes frères, avant tout, c'est celui qui est sur la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. نعم العلم ليس بكثرة الرواية والكتب إنما العلم بإصابة السنة كما قال الشيخ رسلان. En effet, la science ne se détermine pas par le nombre de narrations et de livres, mais la science est la conformité avec la sunna. نعم. يقول الشيخ رسلان page 308 du livre أهل البدع أعظم من السغراق لأنهم يسرقون قلبك ويسطون على دينك. Les gens de l'innovation sont plus dangereux que les voleurs, car ils volent ton cœur et dévalisent ta religion. Ils volent ton cœur et ils dévalisent ta religion et occasionnent beaucoup de dégâts. Page 310. يقول المؤلف والمقصود أن السلف لم يكونوا يغتغرون بأعمال أهل البدع ولا بزهدهم وطلبهم العلم بل كان ذلك داعية لاجتهادهم في التحذير منهم وهجرهم لاغترار كثير من الناس بحالهم وجهلهم بحقيقة ما هم عليه وما يدعون إليه. Au final, les salaf n'étaient pas trompés par les actes des gens de l'innovation, ni par leur ascétisme, ni leur recherche de la science, mais au contraire, ceci était une cause de leur effort dans la mise en garde contre eux et leur délaissement, de par la duperie qu'ils occasionnent chez un grand nombre de gens qui sont ignorants de la réalité dans laquelle ils sont et ce à quoi ils appellent. Effectivement, mes frères, quand un innovateur qui fait partie du commun des musulmans, qui n'appelle pas à son innovation, on mettra en garde, mais de manière légère. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait du mal au final qu'à lui-même. Non, il n'appelle pas à son innovation. Amma, quand l'innovateur est quelqu'un qui prêche, qui a un auditoire, qui a des suiveurs, qui a une tribune, celui-là, non seulement les savants ne sont pas trompés par ses propos, son ascétisme, son éloquence, etc., mais en plus de ça, ils voient en fait bien le contraire, comme dit Cheikh Raslan. Ils mettent l'accent sur lui et ils redoublent d'efforts et ils mettent en garde à plus forte raison les gens contre lui. Pourquoi ? Parce qu'il appelle à sa voix. Il appelle à son égarement. Hein, les frères ? On va rentrer dans un sujet, mes frères, qui est d'actualité. يقول الشيخ رسلان فأين أصحاب القواعد المستحدثة من هذا المسلك الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه ومضى عليه علماء الأمة من أهل السنة وقد رأيت أنهم عند النصح للأمة والتحذير من أهل البدع يبينون بدعهم وينفرون منهم دون ذكر محاسنهم وتعداد مناقبهم. Écoutez bien, ça c'est très important, mes frères. Où sont ceux qui inventent des règles par rapport à ce cheminement que le prophète a éclairci, sur lequel ont cheminé les compagnons, radiallahu tabaraka wa ta'ala, et sur lequel ont marché les savants de cette communauté parmi les gens de la sunna. Donc il dit, tu as certes vu que lors du conseil qu'ils prodiguent pour la communauté et la mise en garde contre les innovateurs, ils éclaircissent leurs innovations et éloignent les gens d'eux sans citer leurs qualités et dénombrer leurs bienfaits. Donc le prophète, quand il met en garde, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mis en garde contre Khawarij, par exemple, il n'a pas dit toutes les qualités qu'ils avaient, d'accord ? Mais il a été droit au but, D'accord ? Car le but ici, c'est la mise en garde contre eux. Non ? Et le fait de ne pas être trompé par leur voix déviante. بل ما ذكروه من ذلك نص على أنه عليهم لا لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. Mais ce qu'ils ont cité de tout ceci est stipulé comme contre eux et non pour eux, comme les dires du prophète envers les Khawarij. Non. ذكر حسنات المجروح عند جرحه والتحذير منه يضعف الجرح وقد يمحق بل يكون ذلك كالدعوة إليه وإلى منهاجه وطريقته. Mais la citation des qualités des personnes, citer les qualités des personnes critiquées ou qui doivent être critiquées lors de sa critique et de la mise en garde contre lui affaiblit la critique au point même de l'annuler. Elle peut au final se révéler comme une invitation à lui, c'est-à-dire à sa voix. Imaginons qu'une personne déviante, les savants mettent en garde contre lui. Imaginons que cette personne-là, avec toutes ses erreurs, on évoque ses qualités, ses bienfaits, au même titre que ses défauts. Au final, qu'est-ce que ça va occasionner? Ça va affaiblir la critique. Yud'ifu al-jarha. Ça va affaiblir la critique et ça risque même de l'annuler aux yeux des gens. Car les gens, comment ils vont penser? Ils vont dire, il est comme tout le monde, il fait du bien, il a des erreurs. Où est le problème? Donc lorsqu'on évoque les qualités et les défauts, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire au final? Il a dit qu'il était là des défauts comme tout le monde. Ça reste un savant. On prend de lui. Ça peut même, comme dit Cheikh Al-Islam, amener les gens à le suivre. Si tu évoques ses qualités, les gens ils peuvent être trompés par les qualités que tu as évoquées chez cette personne. Donc, dans la critique d'un innovateur, on n'évoque pas ses qualités, sauf à deux ou trois exceptions. Mais on n'évoque pas ses qualités, on n'évoque que les choses répréhensibles par lesquelles les gens sont trompés. Afin que la critique soit forte et solide et que les gens soient préservés de son mal et préservent leur religion de ceci. وَقَدْ يَلْتَبِسُ صَرِيعُ بَعْدِ الْأَئِمَّةِ كَالْإِمَامِ الذَّهَبِ رَحْمَةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى بَعْدِ طُلَّابِ الْعِلْمِ فَيَخْلِطُ بَيْنَ تَرْجَمَةِ الرَّاوِي وَجَرْحِهِ وَيَحْتَجُّ مِنْ فِعْلِ الذَّهَبِيِّ بِمَا لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى مَا لَا حُجَّةَ لَهُ ويلزمون العلماء الربانيين القائمين على منهاج النبوة بذكر حسنات المبتدعة والمجروحين عند جرحهم والتحذير منهم. La méthode employée par certains savants, comme l'imam al-Zahabi, met dans la confusion certains étudiants en sciences. Ils confondent entre la biographie d'un narrateur et sa critique. Écoutez bien, c'est important, mes frères. Et ils s'appuient sur la méthode de l'imam al-Zahabi, sur laquelle on ne peut s'appuyer pour approuver ce dont il n'y a aucune preuve. Et, c'est-à-dire al-muwazana, c'est le fait de citer les bienfaits et les méfaits de cette personne. Et ils obligent les grands savants cheminant sur la voie prophétique à citer les qualités des innovateurs tombés sous la critique et la mise en garde contre eux, comme Mohamed Hassan et autres. Ils critiquent nos savants en disant, vous citez que les mauvaises choses chez eux et vous oubliez de citer leurs bienfaits et leurs qualités. Et on va voir que ceci, c'est une mauvaise conception qu'ils ont. Hein? La réalité de la méthode des savants concernant cette différence entre la critique ou la biographie plutôt d'un narrateur et sa critique. Cette méthode-là, ou la réalité de cette méthode et l'éclaircissement sur la différence entre la biographie et la critique se mettent en valeur par l'exemple. C'est-à-dire ici, on va citer un exemple qui va mettre en valeur la différence entre les deux. Et cet exemple-là, on va l'apprendre de la parole de l'imam al-Zahabi lui-même. Afin que, si une personne vient vous voir un jour et il vous dit, regardez ce que dit l'imam al-Zahabi dans Sir Alam al-Nubala, en citant tel et tel innovateur, il a cité ses bienfaits. Pourquoi nous, à notre époque, nous ne le ferions pas? Donc l'imam al-Zahabi, Cheikh Al-Islam, il va citer la méthodologie de l'imam al-Zahabi et ceux qui l'ont précédé dans ceci concernant l'éclaircissement sur la différence entre ces deux choses-là bien distinctes, qui est une biographie et une critique. C'est deux choses différentes. Donc, il dit, Yaqoul, ترجم الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في سير أعلام النبلاء لأحمد بن أبي دؤاد، ولم يكن أحمد بن أبي دؤاد من النبلاء أصلا، فضلا عن أن يكون من أعلامهم، فقد كان داعية التجهم الأكبر في عصره، وحامل لواه أهل البدعة في حرب أهل السنة وإيذائه أعلامها. Il dit, l'imam al-Zahabi dit dans Siyar A'lam al-Nubala, qui est son fameux ouvrage de biographie, sa grande biographie, nous l'avons ici, ce livre, nous avons combien de volumes ? 24 volumes, non. Donc il dit dans Siyar A'lam al-Nubala, la biographie de Ahmed ibn Abi Duad. Qui peut me rappeler qui est cet homme ? Ahmed ibn Abi Duad, c'était le conseiller d'Al-Wathiq wal-Mu'tasim. Celui qui était le proche du calife, c'était Ahmed ibn Abi Duad, al-Mu'tazid al-Jahmi. C'est lui qui a influencé le calife al-Ma'moun. Puis al-Mu'tasim, puis al-Wathiq. Donc l'imam al-Zahabi dit dans son livre Siyar A'lam al-Nubala concernant Ahmed ibn Abi Duad, c'est la parole de Cheikh Rassan, qui dit Ahmed ibn Abi Duad ne fut point parti des nobles, encore moins des savants. Non, ça c'est pour ne pas être trompé sur le fait que sa biographie elle se trouve dans ce livre. Siyar fi A'lam al-Nubala. C'est-à-dire les cheminements des grands savants nobles. Alors que lui, il n'est ni noble ni savant. Voilà qui, ça fait partie des tarjama que l'imam al-Zahabi a cité. Donc, Cheikh Rassan dit, il ne fait pas partie des gens nobles, nobles de caractère au niveau, c'est-à-dire dans sa religiosité, encore moins des savants. Car nous avons vu que le savant est celui qui est sur la sunna, comme l'a dit l'imam al-Barbahari. Donc, il fut le plus grand prédicateur à la croyance de Jahm ibn Safwan à son époque. Il porta l'étendard des gens de l'innovation dans la guerre qui les opposait aux gens de la Sunna et le préjudice qu'il portait aux savants. Non. C'est quelqu'un qui avait une aversion, une animosité envers les gens de la Sunna, notamment envers l'imam Ahmed. وَلْنَنْظُرْ فِي تَرْجَمَةِ الذَّهَبِي لِبْنِ أَبِي دُؤَادِ فِي السِّيَرِ ثم ننظر في كلامه فيه في ميزان الاعتدال. Donc ici il dit, regardons attentivement la biographie qu'en a faite l'imam al-Zahabi dans Siyar, puis regardons ses propos à son sujet dans son livre Mizan al-i'tidal, qui est un livre de l'imam al-Zahabi, mais là qui ne traite pas de biographie, ce sont des critiques sur les narrateurs du hadith. Hein? Ce qu'on appelle Kutub al-Rijal. Donc ici, on fait des biographies succinctes, pas dans le but de narrer son histoire, sa vie, etc. Mais là, c'est pour savoir si le narrateur est fiable et intègre et qu'on peut le prendre dans la narration du hadith. Vous avez compris ? C'est deux choses, deux sciences différentes. L'imam al-Zahabi, qui est un savant du hadith et qui était aussi un grand historien, un grand élève de Cheikh Rassan ibn Taymiyyah, il a fait ces deux livres-là. Donc Cheikh Rassan nous dit, on va regarder ce que dit l'imam al-Zahabi dans Siyar A'lam al-Nubala, qui est un livre d'histoire et de biographie. Et on va regarder ce qu'il dit dans Mizan al-i'tidal, qui est son livre aussi, mais là qui est un livre de critique des hommes. Hein? Afin que l'on voie bien la différence entre les deux. Qala fi siyar, al-qadi al-kabir, Abu Abdillah, Ahmad ibn Faraj ibn Hariz al-Iyadi, al-Basri thulma al-Baghdadi. الجهمي عدو أحمد بن حنبل كان داعية إلى خلق القرآن له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم ولد سنة 60 و100 بالبصرة ولم يضف إلى كرمه كرم. Regardez bien. Je vais déjà vous traduire ceci. Comme ça vous planque le décor. Il dit dans son livre de biographie, le grand juge Abu Abdillah Ahmad ibn Faraj ibn Hariz al-Iyadi al-Basri puis al-Baghdadi, le Jahmit, l'ennemi de Ahmad ibn Hanbal. Il fut un prédicateur à la parole, le Coran est créé. Il y avait en lui de la générosité, de l'hospitalité, un bon comportement ou de bonne mœurs, ou de, un comportement excellent à Afwan et d'autres fastes. Il naquit en 160 de l'Hégire à Basra. Personne ne le vaut dans la générosité et dans l'hospitalité. Personne ne le vaut dans la générosité et dans l'hospitalité. Il parle de qui ? Il parle d'Abu Tazili. Vous avez compris, les frères ? L'imam al-Zahabi, imamun min a'immati ahli sunnati wal jama'a. Regardez comment il parle d'un innovateur. Il continue. وقال أبو العينة كان ابن أبي دؤاد شاعرا مجيدا فصيحا بليغا ما رأيت رئيسا أفصح من قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي سمعت بشر بن الوليد يقول استتبت أحمد بن أبي دؤاد من قوله القرآن مخلوق في ليلة ثلاث مغرات ثم يرجع وقال الخلال حدثنا محمد بن أبي هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هاني قال حضرت العيد مع أحمد بن حنبل فإذا بقص يقول على ابن أبي دؤاد اللعنة وحش الله قبره نارا فقال أبو عبد الله ما أنفعهم للعامة. Il continue, il dit Abu al-Aina dit Ibn Abi Duad était un poète excellent, éloquent. Non, je n'ai jamais vu un homme de pouvoir plus éloquent que lui. Al-Khalal dit, nous a rapporté Muhammad ibn Harun d'après Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani, a dit, j'ai passé la fête avec Ahmed ibn Hanbal lorsqu'un conteur dit, la malédiction sur Ahmed ibn Abi Duad, qu'Allah remplisse sa tombe de feu. Abu Abdillah dit, l'imam Ahmed a dit, quel profit il a été pour le commun des gens. C'est-à-dire de par sa fonction de gouverneur. Il a rempli sa fonction de gouverneur correctement. Il a rempli sa fonction correctement. Par contre, ses problèmes qu'il avait, c'est de par sa croyance. وَقَدْ شَاخَ بْنُ أَبِي دُؤَادْ وَرُمِيَ بِالْفَارِجِ وَعَادَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْكِنَانِ وَقَالْ لَمْ أَتِكَ عَائِدًا بَلْ لِأَحْمَدَ اللَّهَ عَلَىٰ أَنْ سَجَنَكَ فِي جِلْدِكِ. Et lorsque Ahmed ibn Abi Duad prit de l'âge, il fut touché par la paralysie. Et Abdul Aziz al-Kinani, un grand savant de la Sunna, qui lui auparavant avait fait un grand débat qui est connu avec Bishr al-Muhasibi. Bishr al-Haris al-Muhasibi. Il vient le visiter, il lui a dit, je ne suis pas venu te visiter. Je ne suis pas venu te voir en tant que visiteur. Car on sait très bien que les gens de la Sunna ne vont pas visiter les malades parmi les gens de l'innovation. Quelque chose qui est connu. Mais je suis venu pour louer Allah qui t'a emprisonné dans ton corps. Puisqu'il est paralysé maintenant, il ne peut plus bouger, donc c'est comme s'il était emprisonné dans son corps. Il est venu louer Allah par rapport à ceci. Intaha kalam al-Dhahabi min siyar, min kitabihi siyar. يقول الشيخ رسل فهذا ما ذكره الذهبي في ترجمة ابن أبي دؤاد في السير ذكر بعض ما له وليس بشيء عند التحقيق إذا نظرنا إلى ما عليه ومع ذلك فهذا كله في ترجمته وهو متضمن للجرح شديد بل قاتل له فقد ذكر أنه مبتدع داعية لنحلة خبيثة وملة باطلة وعدو عنيد لأهل الحق. Donc il dit, voilà ce qu'a cité l'imam al-Zahabi dans sa biographie, dans la biographie de Ahmed ibn Abi Duad, dans son livre Al-Siyar, il cita certaines choses en sa faveur. Mais ceci ne représente rien en réalisant bien par rapport aux choses en sa défaveur. Malgré ceci, on retrouve tout ceci, tout cela dans sa biographie, c'est-à-dire toutes ses qualités, on le retrouve dans sa biographie, qui renferme aussi une critique sévère et presque mortelle. Non, car il cita aussi, l'imam al-Zahabi dans Siyar al-Alam al-Nubala, qu'il était innovateur, prédicateur à une voix ignoble et fausse, et une fausse religion, ennemi entêté des gens de la vérité. Donc tout ceci, l'imam al-Zahabi l'a cité dans Siyar al-Alam al-Nubala, donc dans un livre de biographie, mes frères, on cite Al-Mahasin ou Al-Masawi. On cite les qualités des gens et les défauts des gens. Al-Abab il-Adl ou Al-Insaf. Afin d'être équitable et impartial. Maintenant, on regarde le livre de Mizan il-I'tidal, qui est un livre qui se rapporte à la critique des narrateurs. À savoir si la personne elle est fiable et intègre. Est-ce qu'on peut la prendre dans la narration des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on n'est pas dans les mêmes considérations. قال الذهبي في ميزان الاعتدال. عفوا. يقول قبل ذلك ولننظر فيما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في ابن أبي دؤاد في ميزان الاعتدال ليتضح الحق من صنيع الأئمة. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال أحمد بن أبي دؤاد القاضي جهمي بغيض هلك سنة 40 و200 قل ما روى. خلاص. انتهى كلامه. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien la différence, mes frères. Ahmed ibn Abi Douad est un Jahmite, vil, ignoble. Il a péri en l'année 240 de l'Hégire. Il n'aura que très peu de hadiths du prophète. Voilà. Est-ce qu'il a cité des qualités ici? Donc, quand les savants mettent en garde contre les gens de l'innovation, ils sont dans quelle considération? Ils sont dans une biographie qu'ils font, ou alors ils sont dans la mise en garde? Mise en garde, Harry. La mise en garde, c'est pour biographie, c'est pour C'est quand la personne elle est morte en général. La biographie, la personne elle est morte, on connaît son mal, on évoque ses bienfaits, ses défauts. Là, la mise en garde, mes frères. Là, on est dans une mise en garde. On va savoir, est-ce que Ibn Abi Douad, on peut prendre le hadith de lui? Non, Jahmi. C'est un Jahmi. Il a la croix de Jahmi Ibn Abi Safwan. Donc ici, l'imam al-Zahabi, il n'a pas pris quatre chemins pour arriver au but. Il a été directement à ce que les savants ils veulent entendre et voir. Est-ce qu'on prend de lui ou non? Est-ce qu'il est fiable ou non? Est-ce qu'il est intègre ou non? Ici, al-adala, sakatat adalatu. Son intégrité religieuse, elle est tombée. Pourquoi? D'accord, les frères? Donc, vous avez vu la différence entre une critique, une mise en garde, d'accord, et une biographie. Mais on n'évoque pas ses qualités. Non. Dans la mise en garde, non. Pourquoi? Parce que comme le dit Cheikh Hassan, si tu évoques les qualités dans une mise en garde, les gens, ils vont, la critique, elle va être affaiblie. Elle peut même être annulée. Les gens, ils vont focaliser sur les bonnes actions, ils vont oublier les mauvaises actions. Quand tu dis de quelqu'un, un tel, c'est un grand exhortateur, mashallah, il a de la science, un éloquent, etc. Il nous a fait tous pleurer. On est sortis, mashallah, on avait la foi qui a monté, mashallah. Elle est montée en flèche. Non, mashallah, en plus, il est rachère, c'est-à-dire il est dévot, il a fait preuve de dévotion, il baisse toujours la tête. Il y en a que ça, mashallah, il prie la nuit, etc. Et tu dis à côté, mais il a des erreurs aussi, il a ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'ils vont retenir, les gens? Les qualités. Les qualités. C'est comme si tu mets les qualités en avant. Donc la critique, ta critique, elle ne vaut plus rien, elle risque d'être annulée. Et ça peut même, au final, appeler les gens à sa voix, si tu évoques ses qualités. Les gens ils vont dire, non, mais c'est quelqu'un de bien, regarde tout ce qu'il fait, tout le bien qu'il fait. Ou ils vont dire, comme disent certains, ses défauts, ils vont être noyés dans ses qualités. Ça, on le dit pour les gens de la sunna. On ne le dit pas pour les gens de la bid'ah. Pour les gens de la sunna, tu dis ça. Quelqu'un qui a beaucoup de qualités, il a des défauts, ses défauts, ils sont noyés dans ses qualités. Alhamdulillah. Ah, même pour les gens de la bid'ah, tu dis pas ça. Bien au contraire. Si tu dis ça, mon frère, tu es en train de pervertir la religion des gens et les cœurs des gens. D'accord? Être sur le cheminement des salafs concernant ces problématiques-là. Là. Regardez aussi, Cheikh Hassan dit quelque chose de très important. À la suite de ceci. فذاك صنيع الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في ترجمة ابن أبي دؤاد وهذا صنيعه في جرحه وبيان حاله. Il dit, voilà la voie adoptée par l'imam al-Zahabi dans sa biographie et sa voie et méthode concernant sa critique et son état. D'accord? في ميزان الاعتدال, l'imam al-Zahabi il est comme ça avec tout innovateur. Il va directement regarder ses défauts. C'est comme si vous voulez une fiche descriptive de la personne, à savoir qui est-il, où il est né, de qui il a pris la science, est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la sunna, est-ce que c'est quelqu'un qui est connu pour le mensonge, qui n'est pas connu pour le mensonge, et que c'est quelqu'un qui oublie souvent, qui n'oublie pas souvent, est-ce que c'est quelqu'un qui mélange entre les hadiths. Donc on fait une fiche descriptive de chaque homme, des hommes de la chaîne de transmission, et ensuite on leur déduit la validité du hadith ou non. D'accord? Donc il faut aller droit au but. On va pas s'embêter ici à citer toutes ses qualités. D'accord? S'il a 10 000 qualités, mais c'est quelqu'un qui oublie souvent, ben c'est ça qui nous intéresse. On ne prendra pas le hadith de lui, parce qu'il oublie souvent, justement. Même s'il a 10 000 qualités, le fait qu'il est sujet à l'oubli ou à la confusion entre les hadiths, eh ben on ne prendra pas le hadith de lui. D'accord? Même si c'est quelqu'un de pieux. Vous avez compris, les frères? Non. Donc on va directement à l'essentiel. وغرد على كل مخالف بمخالفته المذمومة من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة وهم يردون على المخالف سواء كان من أهل السنة والجماعة أم كان من غيرهم. Il dit la réfutation sur tout contradicteur par ses contradictions blâmables est un des fondements établis chez les gens de la Sunna et du groupe. Il réfute sur le contradicteur qu'il soit des gens de la Sunna ou autre. D'accord les frères? Écoutez bien ici maintenant. لكن إذا كان المنتقد من أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة وكانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة ولا بمنهاج النبوة فهذا تذكر ميزاته وحسناته لأنها تغمر زلاته وأخطاءه التي لا تتعلق بالعقيدة ولا بالمنهج ولأنه يقوم بنصرة السنة. Donc c'est une des exceptions mes frères. Ici il dit: mais si la personne critiquée fait partie des gens de la Sunna, on a constaté en lui une erreur. C'est possible. On n'est pas tous infaillibles. Il peut que des gens de la Sunna fassent des erreurs. Il dit, mais si la personne critiquée fait partie des gens de la Sunna et des gens qui défendent la Sunna, et que ces erreurs se rapportent aux choses autres que le dogme ou le menhaj, on évoque alors quoi? Ses qualités, car ses faiblesses et ses erreurs sont noyées dans ses bonnes actions. Tant qu'elle ne concerne pas le dogme ni le menhaj. Attention. Et aussi, par le fait qu'il s'efforce à secourir la sunna. Voilà. Donc ici, mes frères, lorsque vous voyez quelqu'un de la sunna, qui a une aqidah salima, qui a une bonne croyance, d'accord, celle conforme à celle du prophète, qui est sur le menhaj salim, salaf salih, mais qui a fait des erreurs sur telle ou telle chose, on réfute sur lui. Et on peut citer ses qualités. Pourquoi? Car cette personne-là, elle est connue pour défendre la sunna du prophète. Elle est connue pour défendre la sunna du prophète. Donc en citant ses qualités, on ne va pas porter préjudice à sa da'wah, on ne va pas porter préjudice à la personne qui va écouter. Qu'elle le suive, alhamdulillah, sa croyance et son minhaj sont saints et authentiques. D'accord? Donc il n'y a aucun mal à citer ici ses qualités. Quant à celui, أما إذا كان المنتقد من أهل الضلال والبدعة ويؤصل لها فلا يجوز لنا أن نذكر حسناته والإخلال بذلك أدى إلى فساد عظيم فقد بددت جموع من طلاب العلم طاقاتها وأهدرت أوقاتها في الدفاع عن أهل البدعة ومحاربة أهل الحق بحجة الإنصاف والعدل بذكر الحسنات والسيئات عند الجرح فأفسدوا البلاد والعباد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Il dit, quant à celui qui est critiqué ou dénoncé parmi les gens de l'égarement et de l'innovation, et qu'il consolide ceci en lui, il ne nous est pas permis d'évoquer ses qualités. Tout manquement à ceci conduirait à un grand mal. D'accord? Tout manquement à ceci, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si la personne elle manque à ce principe d'omettre de citer les qualités, c'est-à-dire s'il fait le contraire, il cite les qualités des innovateurs, ceci va conduire à un grand mal. Certains étudiants ont perdu toute force et perdu leur temps dans la défense des gens de l'innovation et la guerre menée contre les gens de la vérité en argumentant sur le fait qu'il faut faire preuve de justice et d'équité en citant ses qualités et ses défauts lors de la critique. Comme les gens de notre époque. Mohamed Hassan et autres. D'accord, tous ceux qui suivent Tariqat al-Muwazana. Mohamed Abou Hassan al-Ma'aribi et autres. Ils ont corrompu les contrées et les serviteurs. Et ils sont persuadés qu'ils ne font que le bien. D'accord? Donc c'est un principe qui est faux, mes frères. Tariqatul Muwazana. Et à notre époque, il a été mis en vigueur et il a été mis au grand jour par Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans. ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات فقد مدح الله تعالى المؤمنين من غير ذكر مساويهم وذم الله تعالى الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم. Il n'est pas nécessaire d'évoquer les qualités de la personne critiquée ou d'équilibrer le jugement en évoquant les qualités et les défauts en même temps, car Allah le Très-Haut a vanté les croyants sans évoquer leurs défauts à de nombreux endroits dans le Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé les mécréants, les hypocrites et les pervers sans citer leurs qualités. Donc, c'est pas quelque chose qui relève de l'injustice et de l'iniquité. Les preuves de ceci, mes frères. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيهم من الحسنات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم وكان ذلك من باب النصيحة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a mis en garde sa communauté contre les gens de la passion sans prendre en considération ce qu'ils possédaient comme bonne qualité. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dénoncé les défauts de certaines personnes sans citer leur qualité, et ceci à titre de conseil. نصيحة. نعم. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال القارئ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. verset que nous avions déjà étudié, cité à maintes entreprises. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. D'après عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها a dit le prophète, l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم a lu le verset suivant. Et c'est lui qui a révélé sur toi ou descendu sur toi le livre qui contient des versets clairs de sens, muhkamat, hein, et qui constitue la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à plusieurs sens. Quant à ceux qui ont une déviance dans le cœur, ils suivent les versets à ambiguïté afin de rechercher la dissension et la mauvaise interprétation. Et nul ne connaît sa véritable interprétation sauf Allah. Ou alors on pourrait le dire, et nul ne connaît son explication sauf Allah et les gens enracinés dans la science. Et ils disent, ces gens de science, certes nous croyons en Allah, et tout ceci vient d'Allah. Les versets équivoques et les versets clairs de sens. Tout ceci vient d'Allah, et on y croit, et nul ne se rappelle de ceci que les gens doués d'intelligence. Alors le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu verras ceux qui suivent ces versets en ambiguïté, et que cela, en délaissant les versets muhkamat, ceux-là sont ceux qu'Allah a nominalement cités dans le verset. Al-Azid a fait kulubihim zayrun. Ceux qui ont une déviance dans le cœur. Prenez garde d'eux. Mise en garde. Donc, on ne cite pas les qualités de ces gens-là. Mise en garde directe. Hadith muttafaqun alayhi. Wa zakara muslimul fi muqaddimati sahih. An Abi Hurayra radiallahu tabaraka wa ta'ala anhum. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم عفوا. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, parce qu'il rapporte dans l'introduction de Sahih Muslim, d'après une version de Abi Huraira, il dit صلى الله عليه وسلم, il y aura au dernier moment de ma communauté des gens qui vous raconteront des choses que ni vous ni vos pères ont entendu. Prenez garde pour vous et prenez garde d'eux. وعنه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمع أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم d'après Abi Huraira, il y aura à la fin des temps des grands menteurs. Ils viendront à vous avec des propos dont vous n'avez jamais entendu, ni vos pères. Prenez garde qu'ils ne vous égarent et qu'ils ne vous séduisent. Hein, les frères, vous tentent. Hadith authentique aussi. Le prophète a mis en garde. D'accord ? La yuskar al-mahasim. ومعلوم أن أهل البدع لا يخلون من محاسن ومع ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك المحاسن ولم يذكرها ولم يقل استفيدوا من محاسنهم كما يدعي القائلون بمنهاج الموازنات الذي أدى اتباعه إلى كثير من الضلال والزيغ. Il est clair que les innovateurs ne sont pas des lieux de qualité. D'accord ? C'est clair. Les innovateurs, il y en a qui ont des qualités, d'accord ? Malgré ceci, l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris en considération leurs qualités, ni ne les a évoquées. Il n'a pas dit « profiter et tirer bénéfice de leurs qualités » comme le prétendent ceux qui appellent à la voie de la pondération, c'est-à-dire « manhaj al-muwazana », hein, ceux qui disent il faut être pondéré dans ses critiques, il faut être mesuré, il faut évoquer les bienfaits et les méfaits au même titre, afin d'être équitable et impartial. Donc il dit, Cheikh Raslan, le prophète n'a pas dit tirez profit de ces gens-là et délaissez leurs ambiguïtés. Hein? Tirez profit de ces gens-là, prenez les bonnes choses parmi eux et délaissez leurs ambiguïtés. Pas comme le prétendent ceux qu'ils appellent à la voie de la pondération, dont le cheminement et le suivi de cette voie occasionnent beaucoup de déviance et d'égarement. C'est-à-dire que le muwazana, le manhaj muwazana, c'est une voie, c'est un manhaj qui est répandu à notre époque, mes frères. Faites attention à ceci, Inch'Allah. Si quelqu'un vous dit il ne faut pas critiquer les gens de l'innovation, d'accord, ou alors critique-les, mais cite aussi ses qualités, sachez alors qu'il a une des alamad d'Ahl Bidar. Si ce n'est un mubtadi'. Si tu n'as pas le droit, toi, de le critiquer. Si, moi, je n'ai pas le droit de critiquer, c'est-à-dire. Ouais, toi, tu n'as pas de science, tu n'as pas le droit. Oui, cette personne-là. Ouais. Tout ce qu'on fait là dans le univers, ce sont des outils par lesquels on peut, Inch'Allah, voir les choses avec clairvoyance. Il y a des signes distinctifs des gens de l'innovation. Si tu les vois, tu vas avoir déjà, Inch'Allah, la moitié du travail qui sera fait. Hein? Même si tu ne prononces pas un jugement sur lui, tu n'as pas la capacité. Tu vois que cette personne-là, elle a des actes bizarres, conformes aux gens de l'innovation religieuse, ou des propos et des croyances conformes aux gens de l'innovation religieuse. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, non, c'est un soudi, je reste avec lui? Non. Hein? Tu vas faire attention, pour toi-même déjà. Tu vas être vigilant. D'accord? Tu vas redoubler de vigilance. Donc voilà l'intérêt de ces cours avant tout. Hein? C'est surtout avant, pour nous, pour préserver notre religion. Ah, ben le dénoncer. Hein? Ça, c'est un travail, comme on l'avait vu, il faut... Al-Bayyan, ou Al-Irshad, ou Al-Tawji, etc. Hein, il faut l'orienter, lui éclaircir et le rappeler à l'ordre. Et ceci, bien sûr, pour ceux qui ont la capacité de le faire. D'accord? Mais pour toi, ça reste un moyen, Inch'Allah, de pouvoir discerner le vrai du faux et la sunna de la bid'ah. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام يحدثون الناس بما لم يسمعوهم ولا آباؤهم فقال صلى الله عليه وسلم فإياكم وإياهم ولم يقل وازنوا بين سيئاتهم وحسناتهم وفتشوا عن جميل خصالهم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a mis en garde contre des personnes qui tiennent des propos aux gens dont ni eux ni leurs pères n'ont entendu. Il a dit prenez garde d'eux, prenez garde pour vous. Et il n'a pas dit pondérer et équilibrer entre les bonnes et les mauvaises actions et rechercher ce qu'ils ont de meilleur parmi leurs qualités. D'accord? Certains frères, ils font comme ça. Ils vont chez Al-Bida'a, ils disent, moi je prends le bien de lui. Et ses errants, je les laisse. Au final, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, on voit que cette personne-là elle commence à avoir des propos bizarres, des croyances bizarres, qui sont calquées sur la personne chez qui il s'assoit. Hein? C'est impossible, mes frères, que vous vous asseyez avec un innovateur, vous êtes pas touché. Al-Mughazili wa Ya'qub, comme l'a dit l'imam Ahmed, ils se sont assis aux assises de Haris al-Muhasibi. Fahalaku bi sababihi. Ils ont péri à cause de lui, comme l'a dit l'imam Ahmed. Non. Et la croyance de Haris al-Muhasibi, sa croyance, c'est une croyance jahmite. C'est-à-dire, c'est des innovations qui sont claires et nettes. Naam, tartil et sifat, c'est la négation des attributs divins, entre autres. Naam, malgré ça, ils sont tombés. Vous imaginez un petit peu? Imaginez-vous alors, vous asseyez avec des personnes de notre époque qui se disent, nous sommes des salafis. Hein? Il faut suivre les salafs. Mais quand tu les vois, quand tu vois qui ils fréquentent, quand tu vois les savants vers qui ils reviennent, c'est pas des salafis, mes frères. Allah al-Musta'an. C'est pas des salafis. Mais ils trompent les jeunes avec ce genre de slogan. Et ils disent, entre autres, ce genre d'aberration, il faut pas critiquer. Mais si tu critiques, il faut critiquer alors avec parcimonie et équité et justice. Et ils disent, tu peux t'asseoir avec un tel, tu prends le bien de lui et tu délaisses. Ce qui n'est pas bien. Hein. Donc, même si les savants eux-mêmes, parmi les salafs, s'abstenait de s'asseoir avec Al-Bida, pourquoi nous on le ferait? En disant je prends de lui ce qui est bien et je délaisse ce qui est faux. Qu'est-ce que tu connais de la religion toi pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est sunna, qu'est-ce qui est bida? Donc nous disons pour ceci, ou les salafs, les savants et les savants contemporains disent pour ceci, il est strictement interdit de s'asseoir avec les gens de la bida, même s'ils ont des qualités. فعن فاطمة بنت قيس أنها ذكرت ليس ذكرته ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فسعلوك لا مال له انكح أسامة بن زيد. Hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Donc ici, Fatima bint Qais, radiallahu tabaraka ta'ala, vu voir le prophète et a dit que Abu Jahm, Ibn Hudayfa al-Qurashi, Abu Jahm est venu demander, l'a demandé en mariage. Et Muawiyah ibn Abi Sufyan est venu la demander en mariage. Regardez ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Amma Abu Jahm, fala yada. Il ne laisse pas le bâton, ou son bâton ne cesse d'être posé sur son épaule. Dans une autre version musulmane, ça veut dire qu'il frappe les femmes. Il frappe les femmes. Certains ont dit, c'est un grand voyageur. Mais la version la plus authentique, comme l'a dit l'imam Nawawi al-Asakh, c'est que, effectivement, il frappe les femmes. Il a un comportement qui est rude. Radiallahu tabaraka wa ta'ala. Certains disent qu'il est mort dans la mécréance. Mais l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dit qu'il n'y a aucun dalil sur ça. Et on a même rapporté qu'il a apostasé sa religion, mais il est revenu dans l'islam et il a combattu lors des conquêtes avec Omar ibn al-Khattab. Inch'Allah qu'il est mort dans l'islam, Inch'Allah. Donc, le prophète, il a dit quoi? Il a dit, Abu Jahm, son bâton, il ne cesse d'être sur son épaule. C'est-à-dire, il frappe les femmes. Donc, le prophète, il lui a déconseillé de se marier avec elle. Il a dit Amma Muawiyah fasu'luk la malala. Muawiyah c'est un pauvre, il a pas d'argent. Fankihi Usama ibn Zaydin. Marie-toi plutôt avec Usama ibn Zayd. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Où il a qualifié un sahabi qu'il frappe les femmes. C'est une critique ou c'est une éloge? Est-ce qu'il y a une éloge sur cet homme-là? Non. Muawiyah, il a pas d'argent, miskin. Su'luk la malala. C'est une critique ou une éloge? Une critique. Voilà. Pourquoi le prophète, il s'est abstenu et il s'en est tenu aux critiques sans citer les éloges? Alors, Bab al-Nasiha, afin de conseiller cette femme, Fatima ibn Qais, bint Qais, afwan. Non, mes frères? Donc, quand c'est dans ces cas-là, la critique, ou alors les narrateurs, ou alors, à titre de conseil, on ne va pas s'étaler à citer les faces et les qualités des personnes. On va directement au but. Et ceci fait partie de la religion d'Allah, comme le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, marie-toi plutôt avec Usama ibn Zayd. Rawahu Muslim. فهذه استشارة من أمر يتعلق بخطبة وزواج. Voici une chose qui se rapporte à quoi? À une demande de mariage et à un mariage. Alors, à plus forte raison, mes frères, concernant la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Concernant ta aqida, ton menhaj. Il faut être encore plus décisif, afin que tu puisses préserver ce que tu possèdes de plus cher, c'est-à-dire ta religion. Wa qad nasaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Fatima bint Qais bi an tankiha Usama ibn Zayd wa dhakara Muawiyah wa Abu Jahm bima feehima wa lam yadhkur min fadailihima wa mahasinihima shay'a wa lahum min dhalika al-kathir radiyallahu tabaarak wa ta'ala anhuma walakin al-maqam maqam nasihatin wa mashura wa la yatatallabu akthar min dhalika. Il dit, voici une demande de conseil dans une affaire se rapportant au mariage, ou une demande de mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Fatima bint Qais d'épouser Usama ibn Zayd et évoqua le cas de Muawiyah de Abi Jahm et les défauts respectifs qu'ils avaient. Il n'évoqua nullement leurs mérites ni leurs qualités, bien qu'ils en possédaient de nombreuses. Parce qu'ici, on est dans Nasiha. Ça fait partie des exceptions. C'est un conseil. Ça fait partie des exceptions. La femme, Fatima, bint Qaisin, elle est venue voir le prophète, elle dit, qu'est-ce que tu penses si je me marie avec un tel ou un tel? Le prophète, il lui a déconseillé, il a été directement au but. Il lui a dit, Abu Jahab, il frappe les femmes. C'est ce que tu veux? Non. Je le déconseille. Ne te marie pas avec lui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de qualité derrière? Il a des qualités derrière. Voilà qu'il a ce défaut-là. Et, Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, su'louk la malala. C'est un su'louk. C'est-à-dire, c'est un pauvre. Su'louk, ça veut dire aussi abruti ou imbécile. Non, mais ici, c'est pas le sens. Car le prophète, il a expliqué. La malalahu. Mu'awiyah, yann hachan yakuna bin sa'alik. Ah, hacha wa kalla. Mu'awiyah, c'est un grand sahabi. Non, bin katabatil wahi. C'est un des scribes de la révélation. Fama adanaka man huwa. Mu'awiyah, il n'a pas d'argent et tu risques de vivre une vie difficile avec lui. En gros, c'est ça qu'il lui a dit. Hein? Donc, il lui a dit, marie-toi avec Oussama ibn Zaydin. Hein? Pour son bien à elle. Hein? Pour son bien à elle, bien sûr. Elle est venue à titre, elle a demandé conseil au prophète. Ça, hein? Donc, c'est permis dans ce cas-là. D'accord? C'est pas une médisance sur ces deux personnes-là. Et on prend ce hadith aussi pour prouver que lorsque la situation le nécessite, on ne cite pas les qualités d'une personne. D'accord? On cite les défauts et on va directement au but. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة كما رواه البخاري. Donc ici أخرجه البخاري sur le numéro 5685. J'ai été revérifié, je l'ai trouvé sur le numéro 6032. Hadith numéro 6032. Donc je crois qu'il y a une erreur, Allahu a'lam. Non. J'ai regardé dans le hadith 5685, c'est un autre hadith. Le hadith 5685 se rapporte à un autre bab, rien à voir. Donc le hadith vous pouvez le trouver sur le numéro 6032. D'accord? Donc le prophète a dit d'après Aïcha, un homme demanda la permission de s'introduire chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que ce sahabi, cet homme-là, il s'appelait Uyaynah ibn Husn ibn Huzayfa ibn Bard al-Fizari. Non. Radiallahu anhu. Donc on a dit que un homme a demandé au prophète la permission de s'introduire chez lui. Et il dit, quel mauvais frère parmi les gens et quel mauvais fils parmi les gens, parlant de cet homme-là. Non. Quelle mauvaise personne. Non. C'est quelqu'un qui parlait fortement. Et il s'est passé quelque chose juste avant qu'il rentre chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu Aïcha, il a dit, c'est qui celle-là? Donc le prophète, il l'a. Mais regarde, le prophète, il lui a dit ceci. Mais on verra que le prophète il s'est comporté avec lui d'une manière très spéciale. On va le voir, inshallah. وقال الإمام القرطبي يعني معلقا على هذا الحديث وفي الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو بالفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. الإمام القرطبي dit dans ce hadith il y a la permission de médire sur les pervers qui se montrent en public, qui fait sa perversion en public. Non, il est permis de le faire. Non. ومجاهر الفسق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Il permet de médire sur une personne qui fait la perversion ou la turpitude en public. Il se cache pas des gens, donc tu peux parler sur lui sans problème. C'est pas une médisance, Charles. L'imam al-Qurtubi dit, il y a dans ce hadith la permission de médire sur le pervers qui se montre en public ou celui qui s'adonne à la turpitude en public et autres. Quant à sa transgression dans les lois d'Allah et son appel à l'innovation religieuse. D'accord, il est permis de le faire. وقال النووي وفي الحديث مداراة من يتقى فحش وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. L'imam al-Nawawi dit dans ce hadith on en déduit la légitimité de traiter avec douceur celui dont on redoute la turpitude, non, et le mal. La légitimité de médire sur le pervers en public, comme la parole de Ibn al-Qurtubi, et ce qu'ont besoin les gens comme mise en garde contre lui. Donc ici, je vais m'arrêter un petit peu sur Al-Mudara. Al-Mudara, c'est quoi mes frères? Dara, ça veut dire Dara Yudari, qui veut dire montrer de la douceur envers quelqu'un. Al-Mudara, dans le jargon religieux, ça veut dire en fait faire des concessions ou faire preuve de douceur envers des gens qui sont dans le péché ou dans l'innovation religieuse. Non. Ou même dans la mécréance. Comment? Al-Mudara, c'est par exemple passer ou fermer les yeux sur une chose de dunya afin qu'il obtienne quelque chose de dunya mais mieux. Ou alors fermer les yeux sur quelque chose de dunya afin qu'il obtienne un profit dans sa religion. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Et toi, t'as pas beaucoup d'argent. T'es serré dans ta famille. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir ta femme, par exemple, tu lui dis, voilà, on va lui donner de l'argent. Là, on va serrer la ceinture. Inch'Allah, c'est peut-être un moyen par lequel il se rapprochera d'Allah, il rentrera dans la religion, par exemple. Là. Donc, je vais faire une concession. Là. Je vais fermer les yeux, je vais faire une concession, je vais faire preuve de douceur. Et je vais lui octroyer ceci afin que lui, Inch'Allah, il obtienne, Inch'Allah, un intérêt religieux, hein, un intérêt personnel pour sa religion. Hein. Ou alors, Al-Mudara, c'est entre un fait religieux et un fait religieux. Par exemple, je ferme les yeux, je fais preuve de douceur sur certains péchés qu'il a fait, mais afin de l'amener vers quelque chose qui est plus important. Par exemple, quelqu'un... Les exemples sont nombreux, mes frères. Quelqu'un, par exemple, qui s'adonne à un péché qui est récurrent chez lui. Non. Par exemple, je ne sais pas moi, c'est un voleur. Non, c'est un buveur d'alcool, si vous voulez. Non. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas venir le critiquer directement en lui disant « t'es un fait assez que tu bois de l'alcool, etc. etc. etc. » Elle va fermer les yeux sur ceci. Non. Mais, en fermant les yeux sur ceci, elle va ramener cette personne... Elle va côtoyer cette personne et elle va l'appeler au tawhid, par exemple. Non. Pour qu'au final, cette personne-là, elle comprenne, elle s'imprègne du tawhid et par d'elle-même, elle délaissera par la suite la consommation de vin, de par sa crainte qu'il aura envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc il a fait quoi? Il a fermé les yeux sur un mal pour un bien derrière. C'est ça qu'on appelle al-mudara. Non. Ne pas confondre avec al-mudahana. Al-mudahana, c'est strictement interdit, mes frères. C'est quoi al-mudahana? C'est lorsque j'ai fait une concession de ma religion pour quelque chose de mondain. D'accord? Je ferme les yeux sur ma religion, sur des principes religieux, afin d'octroyer une chose de cette vie-là à cette personne-là. D'accord? Comme le font, par exemple, ceux qui sont proches du gouverneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient chez leur gouverneur des choses répréhensibles, ils se taisent. Non, ils disent rien, ils se taisent. Parce que s'ils parlent, ils risquent de perdre leur place. Donc ils se taisent. Mais pourquoi ils se taisent? Ils doivent réprouver le mal normalement. Non, s'ils ont la capacité. Ils se taisent parce que ils veulent arriver à un poste plus important. Ou à une place plus importante. Donc ils ont délaissé le din pour le dunya. Vous avez compris? Ce qu'on appelle mudahana. Ça, c'est strictement interdit. Amal mudara, c'est autorisé. Entre deux choses de dunya, entre une chose de dunya vers une chose de din ou entre deux choses de din. Vous avez compris les frères? Ça c'est, vous pouvez retrouver cette explication dans Fath al-Bari d'Ibn Hajar. Dans l'explication du hadith, inshallah. Donc c'est ce que dit ici l'imam al-Nawawi, il dit « Wa fil hadith mudaratu man yuttaqa fuhshu ». Qu'est-ce qu'il a fait le prophète à ce problème avec cet homme-là? Il a dit ça au début et ensuite, il lui a, si on reprend le contexte du hadith, il lui a souri au visage et il l'a accueilli de la meilleure des façons. Il lui a souri au visage. Il l'a accueilli avec un sourire, un grand sourire. Il l'a honoré, etc. Et il a été doux envers lui. Hein? Vous avez compris, les frères? Donc le prophète a fermé les yeux sur son comportement afin qu'il garde une bonne image du prophète et qu'il puisse se réformer par la suite. وعن عائشة رضي الله عنها أن عند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. D'après Aïcha رضي الله عنها, qui a rapporté que Hind bint Utba, qui est bien sûr la femme de Abi Sofyan et la mère de Muawiya, a dit: ô envoyé d'Allah, Abu Sofyan, elle parle de son mari, est un homme avare. Il ne me donne pas ce qui me suffirait, moi et mon enfant. Sauf que je suis, par la force des choses, obligé de prendre en cachette de son argent. Que penses-tu de ceci, Rasulallah? Elle est venue se plaindre. Le prophète a dit, prends ce qui te suffit, toi et ton enfant, dans le convenable. Donc regardez ici, Bint Utba, elle a qualifié son mari de shahih, d'avare. C'est une critique ou c'est une éloge? Est-ce qu'elle a décrit ses qualités? Est-ce que le prophète l'a repris sur ça? Non. Donc c'est permis, mes frères. D'accord? À la Bab el-Istifta, lorsqu'on demande une fatwa, on ne cite pas les qualités d'une personne, on va directement au but. D'accord? S'il a des défauts, tu as fait une injustice, etc., tu vas directement au but. Il m'a fait ceci, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Comment je dois agir? D'accord, les frères? Ça ne fait pas partie aussi de la médisance. Tout ça, tous ces textes-là qu'on cite, ils sont pour réfuter Tariq Oman Hajjal Mouazan. Ceux qui disent, tu évoques les critiques, les défauts de quelqu'un, tu cites ses qualités, obligatoirement. Nous leur répondons par tous ces hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاه والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الجانب الذي لا ترضاه ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن رضي الله تبارك وتعالى. On prend comme leçon de ce hadith la légitimité de rappeler chez la personne ce qui nous convient pas ou ce qu'on n'aime pas voir et entendre dans un contexte de demander la fatwa ou de se plaindre. Comme l'a fait Hind bint Utba, elle a demandé la fatwa, elle s'est plainte au prophète à cette fois-là. Donc c'est permis. Et autre chose. Et c'est un des endroits où la médisance est permise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprouvé la supplication ou la plainte de Hinda ibn Utba, et en plus de ça n'a pas réfuté sa plainte, et en plus de ça il ne lui a pas ordonné de citer les qualités de Sofia, de Abi Sofiane, bien qu'il en possède de nombreuses. Wa innahu lazu mahasin, bien qu'il en possède de nombreuses. Si on devait citer les qualités d'Abi Sofiane, ses défauts seraient perdus et confondus dans ses qualités nombreuses. Walakin, le prophète n'a pas ordonné à sa femme de citer ses qualités. Vous avez compris, les frères, ce principe de très important, inshallah. La page 318. Taqul Shahr Aslan. Falou turika ahlul ahwa, wa hum akifuna ala ahwa'ihim, yahtarifuna al-kayda li hada ad-din, bisatwin 'azim, wa lisan al-ghalidh. وبالمسخ والتحريف والغمز والتبديل وإن ترفقوا فبصوغ عبارات لو عسرت لتقاطرت منها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين. Cheikh Hassan dit, si on laissait les gens de la passion accrochés à leur passion, exerçant le métier de la ruse envers la religion, par des attaques probantes et des langues rudes et tranchantes, par la déformation, par le tâtement et le changement. Et même s'ils font preuve de douceur et s'apitoient, ce n'est que par des expressions mensongères et façonnées. Si on devait les presser, en parlant de ces expressions à Ibarat, il en coulera des gouttes de prédication à une voix autre que celle des croyants. Si on devait presser leurs propos, il en coulerait des gouttes de prédication vers quoi? Vers un autre chemin que celui des croyants. Ne soyez pas trompés, mes frères, par de beaux discours, d'accord? Par des discours ensorceleurs, qui ensorcellent les gens, qui au final ne ramènent que la perdition et le désespoir. On va s'arrêter là, inshallah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala yahdiyana wa yahdiya bina wa ja'alana sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa 'aynin la tadma' wa hasratin la tanqadi. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك. بارك الله فيكم.